Affaires sensibles, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 15h. Affaires sensibles, la fiction, aujourd'hui le cas Sakharov, une émission proposée par Christophe Barrère, écrite par Jean-Baptiste Sabiani, réalisée par Laure Egorov. Aujourd'hui dans Affaires sensibles, la fiction, nous vous racontons un moment symbolique de l'histoire de l'URSS. Nous sommes à Moscou le 12 décembre 1989, lors du congrès des députés du peuple, et tous les députés présents assistent alors à une passe d'armes mémorable entre Sakharov et Gorbatchev. Cette altercation est rapide, mais intense. Le moment aussi est historique. L'URSS ne sait plus trop comment avancer, et ses repères tombent les uns après les autres, grâce ou à cause, ça dépend à quel endroit on se trouve, des hommes comme Andrei Sakharov. Cette scène fut filmée. Alors, on y voit un Sakharov très entêté, réclamant l'abrogation de l'article 6 de la constitution de l'URSS, article qui accordait au Parti communiste son rôle dirigeant, face à un Gorbatchev qui lui apparaît agacé, fermé, refusant toute évolution et déjà très attaqué par les conservateurs. Jacques Almaric, journaliste au Monde à l'époque, raconte cet affrontement entre les deux hommes. D'un côté, il y avait le vieillard convaincu et tenace, symbole, dit-il, d'un contre-pouvoir. De l'autre, un homme de pouvoir, soudain autoritaire, excédé, méprisant. Oh, la scène n'a duré que quelques secondes, mais elle mérite d'être revue et méditée. 10 ans plus tôt, le 22 janvier 1980, dans la ville de Gorki, Youri Andropov, le chef tout-puissant du KGB, sur ordre du Kremlin, décide d'arrêter Sakharov, le physicien prix Nobel de la paix 1975, académicien et infatigable défenseur des droits de l'homme. Avec lui, a été assignée à résidence sa femme, Elena Bonner, médecin et elle aussi militante des droits de l'homme. Le 23 décembre 1986, sur ordre de Gorbatchev, Andrei Sakharov et Elena Bonner sont libérés. Ils rentrent à Moscou et ils militent dans l'opposition. En mars 1989, Sakharov est élu à la nouvelle chambre de l'Union soviétique, le Congrès des députés du peuple, et il déclare « Gorbatchev doit choisir entre la direction de la perestroïka et celle de la nomenclatura ». Pour nous aider à comprendre ce personnage de légende qu'est Sakharov et ce moment historique de la fin de l'URSS, nous recevrons après la fiction Jean-Pierre Barou, l'un des meilleurs connaisseurs du destin exceptionnel de Sakharov et auteur du livre intitulé « Sakharov, Sakharov » paru en 1987 aux éditions Grasset. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Le cas Sakharov de Jean-Baptiste Sabiani. Moscou, 12 décembre 1989. Deuxième congrès des députés du peuple. Cela fait un an que moi, Viktor Tchebrikov, ne suis plus président du KGB. Comme de nombreux citoyens soviétiques, je regarde à la télévision les débats que poursuivent les 2250 délégués de cette nouvelle assemblée, créé dans le souci d'introduire plus de démocratie dans le régime. Il siège dans une ambiance agitée lors de cette séance présidée par Mikhail Gorbatchev en personne. Silence ! Silence ! Ce débat n'est pas à l'ordre du jour. Nous avons des règles. La parole est... S'il vous plaît. La parole... Je réclame la parole. Andrei Dmitrievitch, laissez ce micro. J'ai ici des Andrei documents. Andrei Sakharov, vous êtes un député comme les autres, respectez le Congrès. Je respecte le Congrès. Je respecte le peuple qui m'écoute et je respecte l'humanité. Et vous, respectez-les, Mikhail Sergeyevitch. Regardez ces documents. J'ai ici une liasse de télégrammes et ils m'ont été envoyés de tout le pays. Par des citoyens soviétiques respectables, valeureux, qui réclament l'abrogation de l'article 6. Ce débat n'est pas à l'ordre du jour. Regardez ces télégrammes. J'ai 3 dossiers pleins de demandes inverses. Ne manipulez pas l'opinion publique. Alors vous dites que c'est moi qui manipule l'opinion publique, mais qui a tout fait pour m'empêcher de siéger dans cette assemblée ? Andrei Dmitrievitch. Mes confrères de l'Académie des sciences m'ont élu à cette assemblée pour parler contre les manœuvres du présidium de l'Académie, et je m'exprimerai. Andrei Dmitrievitch, je vais couper votre micro. Les citoyens ne veulent plus du parti unique. Vous voulez restructurer le pays en toute transparence? Il faut abroger l'article 6. Le Soviet suprême et le comité central sont seuls compétents sur ce sujet, vous le savez parfaitement. Andrei Sakharov, vous ne faites que créer des incidents. Je dis à cette assemblée, nous avons hérité du stalinisme une constitution structurée de façon supranationale et marquée par la pensée impériale. Partout, la corruption causée par les liens entre les organes de sécurité et les organisations criminelles provoque des ravages et asservit le peuple. Bon, nous allons suspendre la séance. Mikhail Sergeyevitch Gorbatchev, nous ne pouvons plus attendre. Vous avez annoncé que tout était possible. Supprimons le rôle dirigeant du Parti communiste. Que voulez-vous à la place? Le nationalisme? Les démagogues? C'est ça que vous voulez? Le parti, comme force unificatrice et d'avant-garde, est irremplaçable. Vous parlez comme Staline et comme Brejnev. Nous réclamons un vote. Le Congrès n'est pas habilité à faire une telle demande. Nous réclamons un vote. Sakharov, vieil entêté. C'est comme cela que moi, merci. En réclamant l'impossible, en t'alliant avec des nationalistes quand le chaos menace le pays, en te répondant sur la mauvaise opinion que tu as de moi. J'attendais plus de reconnaissance et de gratitude de la part d'un homme qui me doit sa liberté et sa présence dans cette assemblée. Dix ans plus tôt, le 22 janvier 1980, Andrei Sakharov commande une voiture au garage de l'Académie des sciences pour se rendre au séminaire de physique théorique, comme chaque semaine. En route, sur le pont Krasnokholmski, anormalement désert, une voiture de la milice rejoint le véhicule et ordonne au chauffeur de s'arrêter. À ses côtés, Sakharov s'étonne. Ils n'ont enfreint aucune règle du code de la route. Il entend alors les portières arrière s'ouvrir. Deux hommes exhibant le fameux livret rouge qui signe leur appartenance au KGB ordonnent au chauffeur de suivre la voiture qui va les mener devant le parquet de l'URSS. Yuri Andropov, le chef tout-puissant du KGB, mon illustre prédécesseur, vient de décider de procéder à l'arrestation du prix Nobel de la paix 1975. Oh non. Qu'est-ce qu'il y a? Je crois que j'ai oublié tes chaussons. Ça te fait rire maintenant, mais quand on aura besoin. Ah. Liucia. Andrei. Pas devant les guépistes. J'ai envie de les oublier un instant, les guépistes. On ne sait pas où ils nous emmènent, mais ce qui est sûr, c'est qu'on les verra souvent. Très souvent. Et là, j'ai envie de te sentir près de moi. Andriusha. Quelque chose me tracasse. Tes chaussons? Quand je t'ai appelé depuis le bureau du procureur, je t'ai dit « Je suis exilé à Gorki. Je dois partir d'ici directement sans repasser par la maison. J'ai compris que tu peux aussi venir avec moi. » Et j'ai fait les valises. J'ai dit « Tu peux. » Oui. Cela voulait dire dans mon esprit que tu étais libre de choisir de partir avec moi ou de rester à Moscou. Ah. Je n'avais pas compris. Et quand tu m'as dit « On viendra te chercher dans 2 heures. Je croyais vraiment à une arrestation. Ruth et Lisa avaient aussi compris comme ça. Alors que tu peux voulait dire... J'ai compris ce que tu peux voulait dire. Et puisque moi aussi j'ai envie d'oublier les guépistes un instant, maintenant je te dis, te retrouver à l'aéroport a été un tel soulagement que ce vol a été un moment qui ressemble au bonheur. On s'arrête. On dirait qu'on est arrivé. Andrei Dmitrievitch Sakharov, je suis Mikhail Andreevitch Pereligin, procureur adjoint de la région de Gorki. Votre épouse, je suppose. C'est donc ici, chez nous, désormais. Cet appartement vous a effectivement été attribué. Nous devons nous entretenir hors de la présence de votre femme. D'accord. Faites visiter l'appartement à Elena Bonner. Madame. Mais attendez. À tout de suite, ma chérie. Je suis chargé de porter à votre connaissance le décret du Présidium du Soviet Suprême de l'URSS. Le procureur adjoint de l'URSS me l'a lu à Moscou tantôt. En raison des agissements systématiques de Adé Sakharov, flétrissant son image en tant que personne décorée par l'État soviétique, le Présidium du Soviet Suprême arrête. Andrei Dmitrievitch Sakharov est privé de son titre de héros du travail socialiste et de toutes les distinctions qui lui ont été décernées par l'État soviétique. Le règlement concernant les décorations dispose que vous devez les rendre. On me l'a dit à Moscou. La décision a été prise d'expulser Adé Sakharov de Moscou et de lui fixer un lieu de résidence qui rende impossible les contacts avec les citoyens étrangers. Ce lieu est Gorki, ville fermée aux étrangers. Veuillez maintenant signer l'attestation que vous avez pris connaissance du décret. La signature de Brejnev n'est pas autographe. Simple problème technique. Signez, s'il vous plaît. Tenez. Je refuse de rendre les décorations qui m'ont été attribuées, considérant que je les ai méritées. Je dois maintenant vous informer des conditions du régime qui vous a été assigné. Il vous est interdit de sortir des limites de la ville de Gorki. Vous résiderez dans cet appartement sous une surveillance ouverte. Il vous est interdit d'être en relation avec des citoyens étrangers ou des éléments criminels. Vous devez vous faire enregistrer périodiquement auprès du camarade Glossen, 3 rue Gornaya, à la direction du ministère de l'Intérieur du RSS. Et si je refuse ? Vous pourrez y être amené de force. Vous comptez refuser ? Je préfère ne pas dire ce que je pense des dispositions que vous venez de me lire. Nous sommes d'accord qu'elles ne s'imposent pas à mon épouse. Elles ne concernent que vous. Votre épouse est soumise au droit commun. Oui, ce qui ne veut rien dire, puisque les prisonniers politiques sont présentés comme des prisonniers de droit commun. Vous avez des questions ? À partir de maintenant, vous pourrez vous adresser au major Tchouprov ou au capitaine Chouvalov du KGB. Voici leur numéro de téléphone. Maintenant, je vous laisse. J'ai fait les valises en 2 heures. Les défaire devraient prendre moins de temps. Tu m'en veux d'avoir parlé à ce procureur sans toi. J'espère que tu lui as au moins demandé qui avait décidé de cet exil et de quel droit. Et quelle importance que ce soit le Présidium du Soviet Suprême ou le KGB qui en soit à l'origine. Tout ceci est illégal. Et je n'avais pas envie de me lancer dans un débat juridique sans fin. Si tu ne contestes pas, tu consens. Il m'a confirmé que mon statut ne s'appliquait pas à toi. Tu peux rentrer à Moscou quand tu le souhaites. J'ai rencontré la propriétaire de l'appartement pendant votre entretien. C'est la veuve d'un officier du KGB. Elle va habiter avec nous. Ah, d'accord. Elle doit être dans la pièce fermée à clé. On sait à quoi s'en tenir. D'ailleurs... Voilà. Tiens, donne-moi ces vêtements, je vais les ranger en haut de l'armoire. Attends. Ah, voilà. Elle, je ne l'ai pas oubliée. Bravo. Allume-la. Elle n'a pas dû aimer le voyage. Je n'arrive pas à trouver Voice of America. C'est pas possible. La BBC non plus. Je vais dire à Alyosha que sa radio ne fonctionne pas. Il est inutile de lui dire quoi que ce soit. Il n'y est pour rien. Nous sommes les objets d'un brouillage particulièrement efficace qui nous est très certainement réservé. Ils ne veulent pas m'exiler uniquement. Ils veulent me couper du monde. Donne-moi ta main. Nous devons vivre ici sans faire confiance à quiconque. Thank you. Écrivez, mademoiselle. À l'attention du camarade secrétaire général du parti, Yuri Andropov. Objet, dossier Sakharov. Le courant de sympathie qui s'exprime à l'étranger depuis le soir même de l'exil de Sakharov s'amplifie. Plusieurs sources à Washington nous indiquent que le président des États-Unis va tenter de l'utiliser pour sa propagande antisoviétique. L'Occident, dans son ensemble, demeure attaché à ce qu'ils appellent la figure de la dissidence en URSS. Les images de la vie quotidienne de Sakharov, le montrant heureux, tourné par mes services à son insu, devraient atténuer cet élan de sympathie. Sur le plan intérieur, nous faisons le nécessaire pour que l'Académie des sciences du RSS ne lui accorde pas le soutien moral et intellectuel qu'il réclame. Son prestige auprès des académiciens est cependant tel que certains lui manifestent leur soutien. Nous comptons que son isolement scientifique et social devrait à court terme le rendre moins dangereux. Sur le plan local, sa découverte de l'utilisation de la chambre de la propriétaire de son appartement comme entrée dérobée de mes services a compliqué sa surveillance. Nous sommes malgré tout arrivés à nous procurer sa serviette, dont il ne se sépare jamais, et tous les documents que nous recherchions. Nous avons notamment remis la main sur ses mémoires. C'est un travail énorme dont il est maintenant dépossédé. Cependant, la perte de la première version de ce texte à un stade avancé ne l'a pas empêché de le recommencer. Certains de nos agents à Gorki ont émis l'hypothèse qu'il s'était déjà remis à nouveau à leur rédaction. Nous comptons nous en assurer dès que possible. La qualité des éléments dérobés et la perte de certains de ses travaux scientifiques devraient atteindre le moral de Sakharov dans des proportions significatives, car c'est un homme qui ne conçoit pas de ne pas travailler, ni de ne pas résoudre les problèmes auxquels il s'attaque. La santé fragile du couple nous préoccupe cependant, dans la mesure où nos ennemis pourraient nous l'imputer. Nous restons conscients qu'il y a une zone à éviter d'atteindre. Respectueusement, Viktor Tchebrikov, président du KGB. Encore un clou. Voilà. Petite planche, tu vas avoir l'honneur de devenir le rayon de physique fondamentale de la bibliothèque d'Andrei Sakharov. Brouillage. Particulièrement intense aujourd'hui. J'ai fini ton étagère. Oh, superbe. Je veux dire pour des planches ramassées sur la route. Elles formeront un merveilleux support. Pendant que je l'ai cloué, les passants ont dit assez haut pour que je les entende, la femme de Sakharov est en train de lui faire son cercueil. La femme de Sakharov est merveilleuse. Voici le texte. Je le ferai passer à Pugwash. Ils veulent le faire publier par le New York Times. Tu en es content ? Je démontre que nous utilisons la détente pour prendre l'ascendant en termes d'armes stratégiques. Je ne pense pas qu'Andropov changera cela. Il faut contenir l'expansion soviétique et rétablir l'équilibre des forces conventionnelles entre les deux blocs. C'est le seul moyen de s'assurer que l'Occident n'utilisera pas l'arme nucléaire pour sa défense. Je le garderai sur moi jusqu'à mon départ pour Moscou. Si nous voulons entendre l'émission, nous devons être au cimetière dans une heure. Tu m'arrêteras à la gare en chemin, que je prenne mon billet ? Allez, allons-y. Je vais prendre mes mémoires et le reste. Je t'aide à porter ta sacoche ? Oh, il faut que je fasse comme quand tu n'es pas là. Depuis le vol, elle ne pèse plus 12 kilos, mais 2 ou 3. C'est bien le seul avantage à cet acte de piraterie. Je suis fière que tu te sois remis aux mémoires. Tu sais, je le fais parce que je suis convaincu que je ne ferai plus de découvertes scientifiques décisives. C'est important de les finir. Et ça me permet de revivre des moments heureux. La cour du 3 rue Granatny avec Grisha et les copains quand j'avais 6 ans. Et je me comprends mieux aussi. Tu as ton manteau, on y va ? Tu n'oublies rien ? La radio. On aurait eu l'air fin au cimetière. Faites-le entrer. Oui. Camarade secrétaire général. Asseyez-vous, Victor Tchebrikov. Nous devons parler du cas Sakharov. Voilà, je vous le dis sans animosité, le KGB a échoué. Ah oui. Oh, inutile de vous vexer. Votre prédécesseur et le mien à mon poste, notre ami à tous deux, Yuri Andropov, s'est au bout du compte trompé. Il a décidé de son exil il y a presque 6 ans. Et quel est le résultat? Il aurait fallu, selon vous, ne rien faire. Je dois trouver des solutions pour l'avenir, pas régler les comptes du passé. Les calomnies à l'égard de Sakharov ont échoué. Les hospitalisations de force ne l'ont pas calmé. Il risque sa vie de grève de la faim en grève de la faim. Tenez, là, je lis, 17 kilos perdus. Et rien ne le fait changer. Sa femme fait infarctus sur infarctus, se soigne seule et rien ne la fait changer. Leur art du chantage est très au point. Il faut s'accommoder de Sakharov. Mais nous le faisons déjà. Vous avez accepté que sa femme aille se faire soigner à l'étranger contre sa parole de cesser les prises de position publiques. Enfin, sauf dans les cas exceptionnels, avait-il promis. Ce qui ne tardera pas à arriver. Sakharov est un traître. Vous n'êtes pas arrivé à en faire un cadavre ambulant, à le briser, ni à le faire passer pour un traître. En revanche, dès que je suis à l'étranger, Reagan, Mitterrand, Thatcher me rebattent les oreilles de Sakharov. Il est devenu une sorte d'idole pour les Occidentaux. Ils n'ont vraiment aucun souci dans la vie pour s'intéresser à ça. Leur objectif est d'abattre la patrie du socialisme. Sakharov est leur allié. Et moi, je dois la sauver. Et pour cela, corriger les déviances instaurées. Autrefois. C'était aussi le diagnostic et l'objectif du camarade Andropov. Vous devez me soutenir, Tchebrikov. Je ne rallierai pas les intellectuels à ma politique tant que Sakharov sera à Gorki, j'en suis convaincu. Vous comptez l'autoriser à revenir à Moscou? Tenez, il m'a encore écrit. Il m'a demandé de mettre fin à mon isolement et l'exil de ma femme, écrit-il. Sakharov ne peut pas revenir à Moscou. Ne peut pas? Il est imprévisible. Ce n'est pas son comité des droits de l'homme qui a conduit le camarade Andropov à prendre des mesures à son encontre. Mais sa critique de notre intervention amicale en Afghanistan... Oh, Tchebrikov, pas à moi, s'il vous plaît. Vous voulez vous aligner sur la position de Sakharov sur l'Afghanistan? Nous ne sommes pas d'accord sur tout, vous et moi. Mais nous voulons tous deux sauver notre pays du désastre où il se dirige tout droit. Sakharov nous a donné la bombe thermonucléaire pour protéger notre pays de la bombe américaine. Sans lui, pas de puissance militaire soviétique. Et sans lui, l'URSS existerait-elle encore? Cela ne lui donne pas le droit de salir notre patrie. Écoutez-moi, en le libérant, je montre à l'Occident ma largeur d'esprit et nous mettons fin aux campagnes contre nous. Nous faisons de Sakharov un allié, nous l'associons à notre politique de transparence et de reconstruction pour mener nos réformes. C'est un patriote qui croit encore au marxisme comme outil d'émancipation des peuples. Alors? Mikhail Sergeyevitch, vous êtes un homme d'État. Et vous seul pouvez sauver la patrie du socialisme. Le KGB soutient toutes vos décisions, sans exception. Bien. Vous verrez, nous ferons de Sakharov un allié précieux. Позади особый год в жизни страны. Я бы сказал, самый трудный год, начатый в апреле 1985 года перестройки. Le téléphone devait sonner à 10h ce matin. Rien ne marche dans notre pays. Râle si tu veux, mais moins fort, s'il te plaît. On me prive de téléphone pendant 6 ans. On m'en installe à 10h du soir sans prévenir, car un appel urgent doit arriver à 10h le lendemain matin. Ou alors j'ai mal compris et c'était le soir. Tu as très bien compris. Tu devrais aller chercher le pain, ça t'occupera. Bonne idée. Assez de tourner en rond. Ah, quand même. Allô, Sakharov. Gorbatchev à l'appareil. C'est Gorbatchev. Gorbatchev ? Attends. Silence, le KGB. C'est Gorbatchev qui téléphone. Voilà, vas-y. Allô, oui ? Andrei Dmitrievitch, j'ai reçu votre lettre. Nous avons réfléchi. Vous allez pouvoir revenir à Moscou. Avec votre femme qui a été graciée. Et retourner aux affaires patriotiques. Je vous suis reconnaissant, mais je dois vous dire qu'il y a quelques jours, mon ami Marchenko a été tué en prison. Il était le premier de la liste des prisonniers de conscience que je vous demandais de libérer dans ma lettre. Nous en avons libéré beaucoup. La situation s'améliore. Voyez le bon côté des choses. Tous doivent être libérés. Je ne puis être d'accord avec vous. Ce serait faire œuvre de justice. Réfléchissez-y. Au revoir. C'est toi qui as raccroché ? À Gorbatchev ? Nous avons des bagages à faire. Продолжаю. Уже нет давно опасности военного нападения на СССР. Le 23 décembre 1986, Sakharov fit une arrivée triomphale à la gare de Moscou. Gorbatchev, qui s'en fit un allié dans les premiers temps, déchanta vite quand le dissident le plus illustre, auquel il permit d'être élu député contre l'avis de la nomenclatura, demanda plus que ce qu'il pouvait accorder. Au final, il devint l'un des principaux artisans de son affaiblissement, puis de sa chute. Mikhail Sergeyevitch, vous avez savamment influencé la majorité de cette assemblée agressive et soumise qui a finalement élu un soviet suprême, stalino-brejnevien. Le lendemain de cette passe d'armes au deuxième congrès des députés du peuple, le 13 décembre 1989 donc, Andrei Sakharov passa la soirée à sa table de travail, à interroger l'efficacité de sa tactique politique et de son attitude envers Gorbatchev. Il écrivit aussi la préface du second volume de ses mémoires, si difficilement écrit et achevé. Je dédie ces mémoires à ma Liusia chérie. Que nous soyons ensemble, elle et moi, voilà l'essentiel. Le surlendemain, après avoir défendu devant son groupe parlementaire son attitude d'opposant résolu à Gorbatchev, il dîna rapidement avant d'aller faire un somme et demanda à Liusia, Elena Bonner, de le réveiller à 9h. Quand elle y alla, elle le retrouva mort. L'Union soviétique, elle, n'avait plus que quelques mois à vivre. Le cas Sakharov de Jean-Baptiste Sabiani. Avec Jean-Charles Dizazzo, Andrei Sakharov, Aline Lebert, Elena Bonner, Féodor Atkine, Mikhail Gorbatchev, Bruno Abraham Kremer, Viktor Chebrikov, Laurent Lederer, Pereligin. Et les voix de Emmanuel Bloch, Didier Mérigou, Sébastien Deret, François Bérard, Jean-Charles Delhomme. Bruitage, Bertrand Amiel. Prise de son, montage, mixage, Claude Nior, Lidwine Caron. Assistante à la réalisation, Laure Chastan. Réalisation, Laure Egorov. Sound of the void. Affaires sensibles, la fiction. Le pouvoir a répété pendant des années que je ne devais pas sortir du pays et on ne peut pas changer cette décision d'un seul coup. Je dois dire que ma situation a changé, on m'a fait revenir de Gorki, mais ce n'est pas encore une réhabilitation complète pour moi. Je suis encore un peu persona non grata, comme on dit en langage diplomatique. On ne m'a pas rendu mes titres, il n'en est pas question. Je pense que la politique de Gorbatchev est une nécessité historique pour notre pays. Et je vois que, d'un autre côté, cette politique n'a pas pris encore complètement forme. Sa mise au point, peut-on dire, est en cours. J'espère que va se poursuivre le processus de libération des prisonniers de conscience. Il est en particulier très important qu'il soit étendu aux camps à régime spécial, où figurent les 36 camps de la région de Perm, où se trouvent dans des conditions exceptionnellement dures des gens condamnés pour la seconde fois pour leur conviction, pour l'article 70 de notre code. Êtes-vous optimiste? J'essaye de ne pas faire de pronostics précis. D'une façon générale, je suis optimiste, mais pour être optimiste, il faut être actif. Si l'on ne se montre pas actif, tout se passera très mal. France Inter, affaires sensibles. Fabrice Drouel. Affaires sensibles, la fiction, aujourd'hui le cas Sakharov. Notre invité, Jean-Pierre Barou, auteur du livre intitulé Sakharov, paru en 1987 aux éditions Grasset. Bonjour Jean-Pierre Barou. Bonjour, bonjour. Vous êtes éditeur et écrivain spécialiste de Sakharov et vous avez écrit en 1987 le livre intitulé Sakharov, chez Grasset. En décembre 1988, donc un an avant sa mort, Sakharov vous a accordé à Moscou un entretien de 6 heures, dont des extraits sont parus dans la presse en France, au Figaro, et puis aux États-Unis, Review of Books, ainsi que dans la plupart des grands journaux européens. En novembre 2011, vous avez échangé avec Gorbatchev sur sa démission en tant que président de l'Union soviétique en 1991, lorsqu'il est passé à Montpellier. Vous êtes aussi l'éditeur d'Indignez-vous, de Stéphane Hessel, bien sûr. Et enfin, votre dernier ouvrage, La guerre d'Espagne ne fait que commencer, est paru aux éditions du Seuil en 2015. Voilà pour ce qui vous concerne. Nous sommes là pour parler de Sakharov. Alors, qui était-il entre le scientifique, on connaît son rôle dans la bombache, son combat pour les droits de l'homme, son engagement courageux pour la démocratisation de l'URSS, ses écrits, ses réflexions, sa vie, qui était cet homme? Il était tout ça. C'est-à-dire qu'on ne peut pas séparer le scientifique de l'homme qui rallie les droits de l'homme et de l'homme qui s'inscrit dans une éthique non-violente. C'est inséparable. Je pense que sans la bombe, à laquelle il participe, à l'élaboration notamment de la bombe H, qui explose en Union soviétique en 53. Sans la bombe, l'homme que vous me dépeignez à la fin, là, dans son affrontement avec Gorbatchev, n'aurait pas existé de la même manière. Hein. Je crois que la conscientisation qui opère chez Sakharov doit beaucoup à son rôle dans la fabrication de la bombe H, mais surtout et davantage ce que signifie cette bombe. Hein. Il faut prendre la mesure de ce que signifie la bombe H. C'est-à-dire que pour Sakharov, on ne peut plus penser le monde sans penser la bombe. Parce que ce qu'il va mesurer très vite, c'est, évidemment, il y a toujours cet aspect très spectaculaire de la bombe H avec le champignon. Mais ce qui est peut-être presque plus inquiétant, c'est la longévité de la pollution atmosphérique qui s'étend peut-être sur 50 siècles, sur 5000 ans, on ne sait pas. Lui est convaincu que là, il y a une durée qui menace le patrimoine génétique de l'humanité. Et ça, c'est beaucoup plus alarmant. Et c'est d'autant plus alarmant que, apparemment, il y a des débats pour dire est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, qu'il y a une pérennité de la pollution atomique, alors que c'est lui, évidemment, qui a raison. Et ça, ce combat-là va petit à petit le faire déboucher dans un espace, disons, presque philosophique, mais vous voyez, ça va ensemble, ça va ensemble. C'est le même homme, c'est le même personnage. Hein. Il n'est pas de réflexion livresque. Il naît de la réalité des choses dans le monde qui est le nôtre aujourd'hui. Quoi. Alors, vous voyez, effectivement, son rôle dans la bombe à hydrogène soviétique est important. Alors, est-ce que ça fait lui un pacifiste dans la mesure où, dans l'esprit de ceux qui ont mis la bombe en place, il y avait l'équilibre de la terreur, il y avait plus équilibre, oui, que terreur, il y avait dissuasion. Oui. Oui, ce que souhaite à l'époque Sakharov et ce que souhaite aussi d'une certaine manière Gorbatchev, c'est qu'il y ait un équilibre des forces et que si cet équilibre est obtenu, c'est-à-dire si des deux côtés nous avons la même puissance, alors on signe un moratoire d'interruption des essais nucléaires avec tout ce que je viens de dire, hein, qui n'est pas forcément à l'époque mis en évidence, c'est-à-dire cette pollution indubitable, il y aura plusieurs millions d'hommes et de femmes ou d'enfants dans les siècles à venir qui périront du fait de ces essais. Alors ça, c'est la substance même de l'évolution de Sakharov. Quoi. Alors, il était courageux, oui. Sakharov, parce que quand il est arrêté du temps d'Andropov, alors Andropov, il paraît comme ça, très dur, mais il faudra rappeler qu'Andropov, justement, avait des idées d'ouverture, et qu'il était d'ailleurs le parrain de Gorbatchev, quelque part. Hein. Tout à fait. C'était un libéral qui n'avait pas une tête de libéral, mais il était pour une certaine ouverture, quand même. Oui, bon, enfin, il amorce la perestroïka, absolument. Oui. Ça, enfin, vous avez raison de le rappeler. Mais enfin, quand même, Sakharov, il est quand même emprisonné, donc il fait preuve d'un vrai courage, on peut le dire. Oui, il fait preuve d'une adéquation avec sa conscience. Alors évidemment, ça peut générer des actes courageux, mais c'est pas un courage militaire, c'est pas un courage je monte au front. C'est le courage d'un homme qui a des convictions qui sont établies à la fois par ses travaux de scientifique et qui sont au fond qui mobilisent sa conscience. Et ce courage, il est une résultante, mais la cause première, c'est cette conscientisation qui l'anime. Quoi. Alors, il a un grand soutien dans son courage, c'est Helena Bonner fait le voyage avec lui jusqu'à Stockholm. C'est plus qu'une épaule, c'est énorme pour lui, non? Alors, on a dit à tort ou à raison qu'elle avait beaucoup influencé Sakharov. Elle est sans doute plus engagée, mais on peut pas non plus séparer leur couple. Ils étaient, je l'ai vu, je l'ai constaté, d'abord je le savais, c'était un couple très uni sur tous les plans, et je crois qu'en effet, elle joue un rôle important dans la solidification des idées de Sakharov. Et d'un point de vue humain maintenant, parce que Sakharov, c'est un personnage historique, et puis on n'a pas toujours l'occasion d'avoir des échos sur la dimension humaine d'un personnage historique. Qu'est-ce que vous avez ressenti chez cet homme-là d'un point de vue humain? Une simplicité que j'ai retrouvé chez d'autres, j'ai retrouvé ça chez Sartre par exemple, une simplicité, une courtoisie, un souci de bien dire ce qu'il a à dire, pesant chaque mot, m'accueillant très bien dans sa cuisine avec des petits gâteaux au miel, mais se prêtant complètement à l'échange. J'avais avec moi un très bon traducteur, donc quand je dis la simplicité, il faut pas non plus que ça soit interprété d'une façon trop simple. C'est la simplicité des grands esprits, je dirais. Ouais. Avec la conscience de ce qu'il représente dans le combat des droits de l'homme, dans l'histoire de l'Union soviétique. Mais il l'affiche pas. C'est pas. Je me souviens, il avait ce gros pull sur lui. C'était l'hiver. Il était malade. Ça se sentait. Ça se voyait sur ses traits. Bien sûr que c'est une figure historique. Mais je ne pense pas qu'ils le vivent comme tel. Vous voyez, quand vous êtes harnaché à votre conscience, vous jouez pas les personnages historiques. Ouais, vous voyez, c'est presque contradictoire. Et quel était son regard sur l'autre grand dissident, Solzhenitsyn? Non, mais je le savais, les rapports sont catastrophiques. Hein. Solzhenitsyn attaque très tôt et vigoureusement Sakharov, notamment. Alors, le grand texte qu'il ne faut pas oublier, qu'il commet en 1968, c'est ses réflexions sur la coexistence pacifique. Ça, pour Solzhenitsyn, c'est impensable. Il n'y a pas de coexistence pacifique entre deux systèmes capitalistes et puis socialistes, qui l'un et l'autre, aux yeux de Solzhenitsyn, ne méritent pas d'exister. Donc, il est d'une presque d'une méchanceté, Solzhenitsyn, à l'égard de Sakharov. Enfin, pour lui, un, vous savez pas écrire, ce qui est déjà sympa de dire ça, et deux, ce que vous écrivez n'a pas de sens. C'est très curieux, parce qu'à la limite, on pourrait se dire, c'est l'engueulade que Sartre lance à Camus. Non, Sakharov est dans une autre sphère de pensée. C'est lui qui a raison. C'est-à-dire que si la bombe, si nous devons penser le monde à travers la bombe, et savoir que la bombe, c'est ce qui nous unit, qu'on le veuille ou non, si nous voulons sortir de cette unité maléfique, en quelque sorte, il faut constituer un autre monde. Et la base de cet autre monde, c'est une conscientisation, c'est la non-violence, c'est les droits de l'homme. Et ça, Solzhenitsyn, il n'est pas très branché, au fond, sur tout ça. Ce qui l'intéresse, c'est la slavophilie, c'est l'orthodoxie religieuse, c'est un monde de paysans, c'est toute une tradition propre à la Russie profonde. Oui. Et lui, c'est un moderne, Sakharov, c'est presque un occidental d'une certaine manière. Jean-Pierre Barou. Ils sont pas faits pour s'entendre. Bien, oui. Pardon, vous bousculez. On va écouter un disque, et puis on va ensuite, alors pour le coup, parler de Sakharov et Gorbatchev. On va arriver à cet épisode qui était celui de la fiction. À tout de suite. Oui, qui est très important. Ben oui. D'accord. Jean-Pierre Barrault, on a beaucoup parlé de Sakharov, on va maintenant parler de Gorbatchev. Gorbatchev. Parce que, écoutez, moi je considère que Gorbatchev, je suis de ceux qui pensent qu'il était l'un des hommes du siècle, du XXe siècle. Il y a des hommes qui font bouger l'histoire. Et cet homme a fait bouger l'histoire. Il a ouvert la boîte de Pandore, il a été éclaboussé et il s'est retrouvé dans une position vraiment, je trouve, injuste et incroyable. Il s'est présenté à une élection quelques années après. Enfin, il a fait un score de rien, quoi, 2-3%. Oui, je sais. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi l'ingratitude de l'histoire vis-à-vis de cet homme? Expliquez-moi. Alors, il y a quand même, je voudrais quand même dire une chose. Donc, en 1985, Gorbatchev devient secrétaire général du Parti communiste soviétique. C'est la plus haute fonction. Absolument. Et est-ce que vous vous souvenez de son premier acte d'homme politique? C'est de signer un accord avec le premier ministre indien. Un accord pour un nouvel ordre planétaire basé sur la notion des droits de l'homme et sur la notion de non-violence. C'est comme si Lénine et Gandhi signaient. Il impulse cette idée d'un nouvel ordre mondial à travers un accord d'État à État. Vous voyez, ça, c'est un acte fort qui est très significatif de ce que représente au regard de l'histoire. On l'oublie, mais on y reviendra forcément un jour, que le premier homme à signer un acte de cette importance, eh bien, c'est lui avec l'Inde de Gandhi. Et puis tant de choses après ça. Ça, c'est l'abolition plan. De tellement de choses. C'est l'abolition de la dictature du prolétariat. C'est implicitement l'abolition de la lutte des classes. C'est le retour à une démocratie. C'est quand même Gorbatchev qui organise pour la première fois depuis l'octobre 1917, dans la révolution d'octobre 1917, des élections libres, même si elles ne sont pas idéalement libres comme le voudrait Sakharov. Il n'empêche qu'en 89, on a vraiment pour la première fois le suffrage universel qui est en scène pour les deux tiers. Ou un peu plus même des députés, des élus du peuple qui constituent le soviet, quoi. Jean-Pierre Barrou, et justement, il ouvre les vannes, et il les ouvre aussi avec Sakharov. Et il lui permet la liberté, il lui permet d'être un homme politique. Et voilà que Sakharov, non pas se retourne contre lui, mais enfin, il y a quand même cette histoire au congrès en 1989, c'est très très dur. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se joue là, à ce moment-là? Alors ça, c'est, si vous voulez... C'est assez difficile de répondre correctement dans le respect de l'un et l'autre. Mmh. C'est vrai que Gorbatchev peut éprouver une certaine amertume de voir cet homme le prendre comme ça, publiquement à partie, alors qu'il... Sakharov ne peut pas ignorer toutes les pressions que subit à cette époque de la part d'abord de ses opposants qui sont des Helsinki qui veulent sa place, de la part des conservateurs, de la part de la Makhloutura. Faut pas oublier que très vite il va faire aux grèves des mineurs qui sont importantes. Il veut assainir la société, l'alcoolisme. Il pense à ces problèmes-là. Il a devant lui un homme extraordinaire qui l'interpelle, mais allons, il faut aller plus loin, il faut encore faire un pas. Alors là, on est perplexe, quoi. On peut pas. Je respecte profondément Gorbatchev et je respecte tout aussi profondément Sakharov. Et voilà que ces deux hommes s'affrontent. C'est un peu les drames historiques, quoi. C'est quelque chose. Il est peut-être poussé là par Helena Bonner à exiger plus. Mais plus il exige de Gorbatchev, plus Gorbatchev va être. S'il le suit, il va être de plus en plus en porte-à-faux. Il va être de plus en plus en porte-à-faux. Quand je rencontre Gorbatchev en 2011 à travers un traducteur qui parlait le français excellemment, il me dit si j'ai démissionné, alors que rien ne l'obligeait, il a été élu par le Soviet suprême, président donc de l'Union soviétique, il est aussi secrétaire général du Parti communiste, il démissionne alors que toutes les instances sont pour lui. Il démissionne pourquoi? Il me dit j'ai voulu éviter un bain de sang. Ah, et comme ça, d'habitude. C'est... Comme d'habitude. Pardon? Parce que, je dis comme d'habitude, quand les peuples de l'Europe centrale se soulèvent, en 68, en 56, on leur tire dessus. Gorbatchev dit non, moi je veux pas de sang. Vous leur tirez pas bien dessus. Sûr. Il y a ça qui est quand même chevillé au corps, ce respect de la vie humaine tout de la part fait, de Gorbatchev. Tout à fait. Mais Gorbatchev, c'est un homme admirable. Enfin, c'est évident qu'il aurait pu rester Lénine serait resté. Ouais. Il aurait fait jouer les Cosaques, les forces de l'ordre, tout ce qu'il faut. Il serait resté. Il aurait fait des alliances avec la droite, avec la nomenclatura. Il aurait pu faire tout ça. Il refuse. Et, de céder aux conservateurs et de céder à une sorte d'ultra-gauche très opportuniste en vérité et se maintenir, c'est risquer un bain de sang parce que ça veut dire qu'il faut qu'il fasse appel aux forces armées pour mater la situation, y compris dans les grèves de mineurs qui sont très violentes, très agressives et qui portent... Jean-Pierre Barrou, oui. Pardon de vous couper. Oui. Il y a une question fondamentale qui se pose à partir de 89, de la chute du mur, c'est l'Union soviétique doit-elle survivre au vent de l'histoire. Pour Gorbatchev, oui, il veut que l'Union soviétique survive. Sakharov, oui, fait partie doute, de, il fait partie de, est-ce que Sakharov fait partie de ceux qui se disent, mais non, ça y est, c'est un modèle qui tombe. Le mur qui est tombé, c'est une réalité et c'est un symbole. Alors, aussi. Là, je suis pas tout à fait sûr de ça. Je suis pas tout à fait, je pense quand même que il y a dans l'esprit de Sakharov une sorte d'illusion du socialisme qu'il veut maintenir. Il y a dans le socialisme quelque chose comme un rêve, enfin je dis rêve parce qu'on en fait le bilan aujourd'hui, mais dire qu'il faut faire disparaître, c'est compliqué ça, parce que n'oubliez pas, il y a les problèmes des nationalités, il aurait fallu donner sans doute un nouvel essor. Et ça, est-ce que c'était possible? Peut-être pas. Alors, si c'est pas possible, autant dissoudre. Mais dissoudre pour qui? En profite quoi? Vous rendez compte tout ce que ça pourrait générer de troubles, vu le peu de stabilité de certaines de ces républiques, le rôle de la mafia, enfin, tout ça, là, c'est un capharnaüm sans nom. Et je pense qu'il fallait mieux tenter, coûte que coûte, de garder une idée, oui, même si elle est très difficilement applicable. Je voudrais quand même noter une chose, hein, c'est que, donc il est impopulaire, il est viré, il démissionne, il quitte les fonctions, il est plus, bon, en quand même en 2011, hein, réapparaît sur la scène politique Gorbatchev pour dénoncer les manipulations de Poutine aux élections de 2011, un peu au profit de son parti, la Russie unie, et il nous alerte bien sur le personnage de Poutine. Et là, il est courageux de le faire, parce que c'est pas évident de dire, Poutine, vous avez truqué les élections, ce qui est vrai, et ce qui est sans doute vrai encore aujourd'hui. Il n'y a pas d'élections libres en Union soviétique, pardon, en Russie aujourd'hui. La Russie est sous un régime totalitaire encore. D'où, j'en sais rien, s'il est doux au sens D-O-U-X, mais il y a quand même un système totalitaire rampant. On a marqué un extraordinaire recul par rapport à l'époque d'Andropov, même de Brejnev, Khrushchev, Brejnev, Andropov et puis Gorbatchev. Il y a un totalitarisme rampant aujourd'hui, et je vous assure, quand vous vous baladez, moi j'ai un ami enfin qui revient de vous avez intérêt à faire attention à ce que vous dites en public c'est ce que certains appellent une démocratie. Néologisme, la contraction de démocratie et de dictature. Oui, bien, en tout cas, La démocratie a reculé sur le globe depuis des décennies. C'est un autre sujet qu'il serait passionnant d'examiner avec vous, mais le temps qui nous est imparti, comme on dit, se termine. Jean-Pierre Barou, merci infiniment pour vos éclairages. Au revoir. Merci, au revoir et merci. C'était Affaires sensibles, la fiction. Aujourd'hui, le cas Sakharov, une fiction écrite par Jean-Baptiste Sabiani, réalisée par Laure Egorov et Anne Niro, émission proposée par Christophe Barrère, assistée de Valérie Priollet, programmation musicale Muriel Pérez, à la technique Vincent Godard et Valentin Zanzelinski.